Bienvenue à Playback, une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. Ce soir, pour la deuxième émission, un 60 minutes réservé qu'aux chansons de trames sonores de films, les bandes originales de films qui ont marqué notre jeunesse, tout comme les chansons qui sont restées des classiques et qui sont à tout jamais identifiées et associées à ces films. Donc, êtes-vous prêts? C'est le temps de scraper les cheveux au spray net, de mettre nos jeans délavés à l'acide. And let's get into the groove, baby! And you can dance for inspiration. Be. Yeah. Vous écoutez Playback avec Patrick Moore. Donc, ce soir, deuxième émission réservée aux chansons tirées d'une bande originale de film. Donc, on va entendre des classiques, des chansons évidentes et tout ça. Mais aussi, je vais essayer de vous ramener un petit peu ailleurs, c'est-à-dire de sortir un peu certaines chansons des oubliettes. Et puis, c'est un peu le but de l'émission, le concept de l'émission Playback, c'est de nous ramener à nos souvenirs et aussi de ramener des petits bijoux qui étaient complètement oubliés. Donc, on a ouvert le premier bloc avec une chanson de Madonna, la chanson Get Into the Groove, tirée de la trame sonore Desperately Seeking Susan, version originale de Recherche Suzanne Désespérément de 1985. On a ensuite enchaîné avec le groupe suisse Yellow, avec leur gros gros succès Oh Yeah de 1985. Cette chanson est devenue très célèbre grâce à son apparition sur la trame sonore de Ferris Bueller's Day Off, la folle journée de Ferris Bueller de 1986. Mais on a pu aussi l'entendre un an plus tard dans un autre film de l'époque, film de Michael J. Fox, Le secret de mon succès. Cette chanson-là avait tellement été utilisée à toutes sortes de sauces, des pubs télé, des pubs radio, des intros d'émissions de télé ou des intros d'émissions de radio. C'est devenu vraiment comme un petit phénomène de pop culture des années 80. On a ensuite enchaîné avec une chanson de Glenn Frey, ex-membre du groupe The Eagles. Dans les années 80, il était en pleine carrière solo. Et on a entendu sa chanson The Heat Is On, tirée de la trame sonore Beverly Hills Cop, le flic de Beverly Hills mettant en vedette Eddie Murphy de 1984. Ce film a été un énorme succès. Ça a été le plus gros film au box-office en 1984. Et puis, il y avait aussi, bien entendu, d'autres succès tirés de cette même trame sonore-là. Et on a terminé le premier bloc avec un autre gros succès d'un autre gros film à succès de 1987, le film Dirty Dancing. On a entendu Hungry Eyes de Eric Carmen. Dirty Dancing, la trame sonore, ça a été énorme dans la décennie au niveau des ventes. Cet album-là lui-même a vendu 32 millions de copies. C'est dans les plus gros vendeurs de l'histoire d'albums. Cet album-là avait resté quand même 18 semaines numéro 1 dans les palmarès. C'était énorme. Cette trame sonore aussi était bondée de succès. J'aurais pu vous faire jouer She's Like the Wind de Patrick Swayze ou la grosse chanson I've Had the Time of My Life, mais j'ai opté pour Hungry Eyes. Donc, on enchaîne tout de suite en musique avec une chanson tirée de la trame sonore de Back to the Future, une cover de Chuck Berry, le classique Johnny B. Goode. Go, Life's the same, I'm moving in stereo. Life's the same, except for my shoes. Life's the same, you're shaking like tremolo. Life's the same, it's all inside you. Vous êtes toujours à l'écoute de Playback. On a ouvert le deuxième bloc avec un gros classique des années 50, Johnny B. Goode, une chanson qui avait été utilisée dans la trame sonore du film Retour vers le futur. Qui se rappelle pas de cette fameuse scène où ce que Marty McFly casse la baraque avec sa guitare électrique en plein bal. Cette scène reste toujours ma scène préférée du film. Je pense que c'est la scène préférée pour bien des gens. C'est la scène où ce qu'il dit aux gens du public qui sont restés complètement bouche bée et omnibulés devant sa performance. Il leur dit à la fin, je pense que vous n'êtes pas encore prêts, mais vos enfants vont adorer. Dans cette scène où on interprète Johnny B. Goode, on voit l'acteur Michael J. Fox qui l'interprète, mais en réalité, c'était pas réellement lui qui la chantait. C'était un interprète au nom de Mark Campbell. Et on enchaînait avec When Doves Cry de nul autre que Prince and the Revolution, tiré de Purple Rain, la trame sonore et le film du même nom. Prince et Purple Rain, deux titres qui sont complètement inséparables. L'artiste et l'album sont devenus des icônes immenses des années 80. Le film avait eu un succès très important au box-office, mais c'est surtout la trame sonore qui a fait en sorte que Prince est devenu une méga star et une légende. L'album s'était vendu à 25 millions d'exemplaires et l'album avait passé 24 semaines numéro 1 dans les palmarès Billboard. Et on a terminé le bloc avec une chanson intitulée Moving in Stereo du groupe The Cars, tirée de la trame sonore Fast Times at Ridgemont High de 1982. Désolé, j'ai pas le titre de la version française parce que la version française, elle est très rare. Et ce film avait un casting de fou, avec un tas d'acteurs à leur tout début qui n'étaient même pas encore connus. Il y avait Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Nicolas Cage, Forest Whitaker, Judge Reinhold, Eric Stoltz et j'en passe. Ce film est considéré comme le film culte de la culture adolescente des années 80. Donc, c'est assez avec le blabla. On continue en musique avec une chanson de la trame sonore de Rocky IV. There's no easy way out, sir. Layback. Knowing if we did all right, something. You got the touch. You got the power. I It seems like perfect love is so hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now De retour avec Patrick Moore. On a ouvert le dernier bloc avec une chanson de Robert Tepper. La chanson intitulée No Easy Way Out, tirée de la trame sonore de Rocky IV en 1985. Oui, Rocky IV, la fameuse confrontation entre Rocky Balboa et Ivan Drago, le gros russe. Rocky IV était simplement une réflexion de l'atmosphère politique qui régnait dans les années 80, espèce de guerre froide entre les États-Unis et la Russie. On a ensuite enchaîné avec le groupe Cheap Trick avec leur chanson Mighty Wings, tirée de la trame sonore Top Gun avec Tom Cruise en 1986. Top Gun, énorme succès, un artefact essentiel de la décennie 80. Un film qui a propulsé Tom Cruise dans l'univers des stars. Et les ventes de cet album avaient été exceptionnelles. Un des meilleurs vendeurs de 1986 avait été 5 semaines au numéro 1 dans les palmarès. Cette trame sonore aussi est bondée de succès. J'en ai passé plusieurs, mais j'aurais pu passer Take My Breath Away de Berlin, Danger Zone de Kenny Loggins, et j'en passe. Par la suite, je vous ai passé du bonbon, là, une petite surprise, une petite rareté, une chanson du film The Transformers, The Movie, le film d'animation de 1986. Une chanson qui s'intitulait The Touch par le chanteur Stan Bush. Et pour terminer le bloc, je vous ai mis une ballade de Mike Reno et Ann Wilson. Mike Reno, chanteur de Loverboy, Ann Wilson, chanteuse de Heart, en duo. Ils font de la magie sur une chanson qui s'appelait Almost Paradise, de la trame sonore Footloose. Hein? Footloose, un autre icône des années 80. J'aurais pu passer Footloose, Let's Hear It for the Boys. J'aurais pu en passer une tonne d'autres. J'ai opté pour celle-ci, qui est un petit peu moins évidente, mais qui est tout aussi excellente que les autres. On continue en musique avec une excellente ballade de Tina Turner, de la trame sonore Mad Max Beyond Thunderdome. We don't need another hero. Children, the last generation. generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Et oui, chers audio-spectateurs, on termine cette émission en douceur. C'est bientôt le mot de la fin, mais juste avant, je vais juste vous nommer les trois dernières chansons qu'on vient de vous passer. Donc, la première du dernier bloc était Tina Turner de Mad Max Beyond Thunderdome, un film de 1985, mettant en vedette Mel Gibson. On a ensuite enchaîné avec une autre excellente chanson, une autre belle chanson, Never Ending Story du chanteur Lee Mal, tiré de la trame sonore du même nom de 1984. Un film qui a marqué beaucoup, beaucoup d'enfants de cette génération-là. Et ça reste quand même un film assez intemporel qui vieillit très bien. J'ai eu présenté ce film-là à ma fille il y a une dizaine d'années. Elle avait été complètement charmée par ce film-là. Elle m'avait même dit à la fin: « Papa, c'est mon film préféré. » Et on a terminé avec un autre gros classique ici au Québec. La guerre des sucres, là, c'est un incontournable de la décennie. La chanson « L'amour a pris son temps » de Nathalie Simard, 1984. Quel jeune entre 5 et 12 ans qui n'a pas été marqué par ce film-là et aussi touché par cette chanson-là. Donc, sur ce, se termine cette émission. On va revenir la semaine prochaine avec une autre thématique. Je suis en train de la développer. Je vous vends pas la mèche tout de suite. Mais on fait ça pour le plaisir, hein? On fait ça pour le fun, on fait ça pour se divertir, pour passer le temps. Puis j'espère que vous appréciez. Comme je vous ai dit, je vais vous revenir chaque semaine avec différentes thématiques. C'est sûr et certain que je vais revenir une prochaine fois pour continuer le thème des trames sonores. Il va y avoir un volet 2. Je pourrais en faire pour 2-3 heures de temps des thématiques de trames sonores. Il y en a tellement. Sur ce, on se laisse sur une petite dernière. Je ne vous la nommerai pas. Essayez de la deviner. Puis on se voit la semaine prochaine. Bon courage à tous et on lâche surtout pas. Merci, bonne soirée. Take it to the good times, see it through the bad times, whatever.